J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Moi je dis tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous me trouvez trop ghetto, normal, je viens de là-bas. J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Je suis sur la route et cherche l'autoroute de la gloire. Beaucoup se sont trompés et ont pris celle du parloir. Big up à ceux condamnés pour des longues peines. Toutes les maisons d'arrêt, badal en terre freine. J'accélère à 92 km/h. Écoute ce son sans modération, auditeur. La clé de la réussite, c'est pas une clé PTT. Elle ouvre les portes du succès, pas celle de ta cité. Les jaloux portent l'œil quand la gloire fait des clins d'œil. C'est la cermie, je veux remplir mon portefeuille. L'avenir est à nous, laissez-nous le franchir. Venez pas nous déranger, surtout quand on est en chire. Pour vos rangs, obligé de mouiller le maillot. Les autres sont sur le banc, je suis un buteur comme Ronaldinho. Premier au classement, j'ai remporté le championnat. Numéro 1 devant toi et surtout dans le peurat. Moi je dis tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous me trouvez trop ghetto, normal, je viens de là-bas. J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Moi je dis tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous me trouvez trop ghetto, normal, je viens de là-bas. J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Est-ce qu'il paraît les haineux veulent me barrer la route? Je suis prêt à m'investir, peu importe le prix que ça coûte. Je traumatise, tu le sais que c'est ma devise. Check-moi la main et surtout ne fais pas la bise. Avec ma paire de requins, je fais mes plans sous-marins. La politique, je m'en bats les reins, va écouter Raffarin. Même sans lumière, dans la tête, personne se perd. Pas besoin de boussole ou de GPS, nous on se repère. Dans l'illégal, on s'y connaît, dis pas qu'on est des sbires. On étudie Mesrine, pas William Shakespeare. 9-2, viens guetter nos ghettos. Nombreux se font péter et finissent au dépôt. Le rap m'a nominé, normal, je suis déterminé. Je sais pas ce qui m'est destiné, je pourrais pas le deviner. Je poursuis ma route, que Dieu me préserve. J'ai pas le plein, alors j'avance en réserve. Moi je dis tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous me trouvez trop ghetto, normal, je viens de là-bas. J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Moi je dis tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous me trouvez trop ghetto, normal, je viens de là-bas. J'y vais à fond, la réussite c'est ma mission. Y'a pas de limitation sur la route de l'ambition. Chromatise. Sur la route de l'ambition. J'arrive, dans mon rétro y'a les rivaux. Ils ont beau essayer, ils auront jamais mon niveau. Les radars peuvent me flasher, jamais le sourire relève, car cette vie m'a trop fâché. Dans mon rétro y'a les rivaux, ils ont beau essayer, ils auront jamais mon niveau. Les radars peuvent me flasher, jamais le sourire relève, car cette vie m'a trop fâché. Sur la route de l'ambition. Sur la route de l'ambition.